creux, des peuples entiers sont être emmerdés. Les juifs crucifiés, les nègres cramés, les arabes pendus à ma cheminée. Oh, le bon vieux temps, on fêtait Noël en bon chrétien. Parmi les cadavres, sur nos ennemis, on crachait, on piétinait, on rigolait, on s'amusait. Alors on ne pleurait pas, alors on était des hommes. Alors on n'était pas des pédés, on n'avait pas peur de tuer. Et on savait l'art de torturer. On n'avait pas peur d'arracher les yeux d'un bico. On n'avait pas peur de casser les dents d'un juif. On n'avait pas peur de couper la langue d'un nègre pour la moindre pécadille, la moindre insolence, le moindre geste, le moindre regard. On les punissait avec la cruauté qui fait honneur à notre race. Et on les tuait s'il le fallait. Et même s'il le fallait pas, on s'en foutait. On bousillait pas.